tua. I pomeriggi verranno trintintin passiare. Et bienvenue sur le top du Portugal, le TDP sur 95.4 ou www.rtflimoche.com. On est enfin de retour après une longue période et on est tous les deux là. Ça va Eric? Bonjour à toi, ça va? Oui, ça va, ça va. On est de retour dans les studios. Oui, ça faisait... Tu sais plus comment marche un micro, ça y est? Mais je savais plus du tout comment ça fonctionnait tout. Normalement. Faut s'y remettre. Ouais. On n'est pas venu quand même depuis avant le confinement, donc mars. Mars, c'est ça. Février, mars. Quel plaisir de revenir dans ces studios, de retrouver la radio et puis enfin, on a quand même fait de la radio jusqu'au mois de juillet, donc après 2 mois d'absence, on est de retour, on a plein d'infos, plein d'invités, plein de choses qui vont se passer ce matin. Et le matériel marche pas bien. Si tu casses le matériel, ça va pas le faire. C'est ça, le micro il tombe tout seul. On est là, on a toutes les règles sanitaires qui sont respectées et on va pouvoir reprendre enfin l'émission comme elle était auparavant. On est que tous les deux maintenant. Eh oui. On en a perdu un. On en a perdu un au passage. On en a perdu un, Ricardo. On lui fait un coucou quand même et puis il a d'autres projets, d'autres ambitions, donc on lui souhaite... plein de bonheur et qui réussissent dans ce qu'il fait. Nous en tout cas on est tous les deux et on est toujours à la recherche, si ça vous intéresse, d'un collègue, d'un partenaire qui voudrait bien reprendre la radio avec nous, qui voudrait bien venir à la radio avec nous, et quelqu'un qui sait parler portugais serait un plus. Alors l'annonce est lancée, si vous voulez faire de la radio, si vous voulez parler d'un sujet qui vous intéresse en rapport avec le Portugal, parce que c'est quand même le thème de notre émission, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, nous contacter. On est présent sur tous les réseaux sociaux. Alors on est présent sur Facebook avec la page du Top du Portugal. On est présent sur Snap avec le TDP RTF 95.4. Et l'Insta est en cours de recréation, puisque du coup c'est Ricardo qui le gérait. Donc on va remettre en place la page Instagram si vous voulez nous contacter. Mais cette fois-ci, on peut le dire et Eric peut reprendre son rôle. C'est vrai? Oui, alors on peut nous contacter au... Ah oui, on peut nous rappeler maintenant, c'est possible. 05 55 50 09 09, ça n'a pas changé. Et Eric pourra vous répondre. Tout à fait. Il est prêt, le téléphone est là. Vous pouvez nous contacter, nous joindre sans problème. On sera là pour vous écouter. Alors ce matin, gros programme quand même pour une reprise, parce que du coup, sera en direct avec nous dans les studios Sabrina Carvalho. Vous la connaissez tous ici dans la communauté portugaise de Limoges. Elle s'occupe de la Zumba adultes et enfants à l'association Lusitano de Limoges. Donc elle sera là pour nous présenter la nouvelle activité, puisque la Zumba adulte marche depuis déjà un petit moment. La nouvelle activité, la Zumba enfant, la Zumba kid, qui a démarré vendredi et où tout le monde peut s'inscrire encore, tous les enfants qui le souhaitent. Alors n'hésitez pas à nous contacter et puis elle nous dira exactement ce qui s'y joue, comment ça se passe. Voilà, elle sera présente avec nous dans les studios pour nous parler de ça. Et en fin d'émission, on aura aussi le grand champion de... Alors, je ne suis pas très... Kettlebell. Michael Alves Rodriguez, on l'avait déjà reçu en interview l'année dernière. Et du coup, il nous parlera de ce qu'il en est aujourd'hui. On refera un petit point sur son parcours et du coup, ce qu'il en est. Ah, visiblement, il a une grande annonce à nous faire en direct ce matin. Donc, on attend cela avec impatience. Ça se passera aux alentours de 11h30. Voilà pour le programme. Le téléphone sonne déjà. Et oui, on a manqué à nos auditeurs. Donc voilà, dans les infos à venir, on parlera aussi un petit peu de la rubrique événements. C'est vrai qu'en ce moment, avec la crise sanitaire, on n'a pas énormément d'événements à pouvoir dire, mais il se passe quand même des choses et c'est important de le dire. On parlera de l'association Lusitanos qui a repris un minimum ses activités, donc ça sera important aussi d'en parler. Donc voilà, j'ai perdu mon technicien. Je ne sais pas s'il va pouvoir nous passer un peu de musique. Nous avons peut-être quelqu'un au téléphone. La reprise est dure. En attendant, voilà, il y a aussi, dans le Top du Portugal, il y a aussi une partie musicale qui sera là aussi dans peu de temps, où Eric, sur la partie musicale, tu restes toujours sur le même mode. Je sais pas, je vais voir cette année comment je vais gérer. Avant, on était sur quelque chose de plus... de la musique portugaise un peu plus ancienne en début d'émission et quelque chose de plus jeune à la fin. Il réfléchit à son nouveau mode de fonctionnement, notre technicien musique. Est-ce qu'on a quelqu'un à l'antenne? On a quelqu'un à l'antenne. Allô, allô. Allô, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Alors, moi, je t'ai reconnu, mais par contre, les auditeurs, non. Eh? Moi, je t'ai reconnu, mais les auditeurs, ils ne savent pas qui tu es. Eh bien, je suis Polo, les Saveurs du Portugal. Les Saveurs du Portugal, le magasin portugais qui est à Limoges, en zone sud. Exact. Alors, donc, je vous appelle ce matin pour vous remercier déjà de votre retour. Je vous souhaite du bon courage. Ça nous manquait. Oui. Parce qu'un peu de musique le matin, ça fait du bien. Merci, c'est gentil. Et puis voilà, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Et je voulais remercier par la même occasion tous nos clients qui nous sont fidèles et qui viennent nous voir toutes les semaines, le dimanche, dans la semaine. Et bien, qui continuent. On sera là pour les recevoir. Exactement. Voilà. Pour rappel, Polo, tu peux nous dire où est situé le magasin exactement, s'il y en a qui ne connaissent pas et qui veulent venir 15 avenue de l'Abattoir, à Limoges. Et donc, c'est un magasin qui fait où tu vends des produits portugais. Mais il y a aussi un... Il y a aussi un peu la partie traiteur. Un petit peu partie traiteur, comme le cochon de lait, les poulets grillés, les travers de porc, la morue avec ses patates. Qu'on peut commander un petit peu à l'avance et que du coup, c'est toi qui prépares. C'est ça. Alors, n'hésitez pas là, vraiment à y aller. Je vais attaquer à fond. Ah ben oui, parce que le dimanche, c'est là où il y a pas mal de commandes. C'est ça. Ben, on reparlera quand même de ton magasin durant l'émission. On te remercie beaucoup de nous avoir appelés, puis on va te laisser aller travailler. Merci, vous remercie. Allez, bon courage. Merci, Polo. Ciao, ciao. C'était Polo des Saveurs du Portugal en direct. Merci à lui de nous avoir appelés. Vraiment, c'est un plaisir de communiquer sur ce qu'il fait parce que c'est top et parce que ça nous rappelle un peu le Portugal quand on va là-bas. Donc voilà, merci à eux de nous mettre aussi d'émettre notre émission aussi dans leur magasin et de nous être fidèles parce que ça marche dans les deux sens. Voilà, donc Polo, les Saveurs du Portugal, ils sont aussi sur Facebook. Donc n'hésitez pas à aller voir et à les contacter. Les poulets sont très bons. C'est bon. Ah très, oui. Très bon. Oui, parce que nous aussi, on y va souvent commander en vrai. Donc voilà, je crois que je vais véritablement jamais avoir la musique ce matin parce que le technicien a déserté la table de mixage. Tout va bien, mais on va partir en musique quand Eric sera prêt et il pourra peut-être nous dire avec qui on va partir. Il est là. Je suis là. On va partir avec Leandro. Avec Leandro. Restez bien à l'écoute sur le top du Portugal sur Radio RTF 95.4 au niveau de la FM dans Limoges. Mais si vous voulez, c'est comme on disait avant, in the world, dans tout le monde, on peut nous écouter via internet sur le www.rtflimoges.com. Restez bien à l'écoute, on revient tout à l'heure. Top du Portugal, na Radio RTF, todos os domingos, das 10 horas ao meio-dia. Dizes que não há mais nada aqui para te fazer ficar. Dizes que o amor passou por ti e seguiu para outro ser. Mas há algo que eu tenho que dizer. Se nunca mais te vi, eu já não vou viver. Talvez até respire, mas por dentro vou morrer. Se nunca mais te vi, saber sorrir. O tempo vai parar esta eterna noite em mim, se nunca mais te ver. Teu lugar, o inverno escuro e frio. vais deixar um coração vazio. Se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Se era medo de me machucar, já tenho meu perdão, tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz com ou sem mim. E quando der saudade for dormir com ou sem mim. E quando perceber que eu não tô e que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim. Você quer colocar, te deixo livre, livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Se era medo de me machucar, tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz com ou sem mim. E quando der saudade vou dormir com ou sem mim. E quando perceber que eu não tô e que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim. Saiu e disse que já não me amava, pois comigo tem sonhos de amor. diz que os sentimentos se apagaram, mas mente ao seu coração. Esqueceu-se das noites de amor, mas eu não esqueço, não. Eu sou um cowboy, ela é filha do patrão. Sou pobre e ando a cavalo, ela é rica e tem um grande carrão. Ela finge nem me ver e diz que o amor se foi, mas tu começa a saiu e disse que já não me amava, mas comigo tem sonhos de amor. Diz que os sentimentos se apagaram, mas mente ao seu coração. Esqueceu-se das noites de amor, mas eu não esqueço, não. Vejo marcas e vestígios teus. Eu pergunto, será mesmo que isso aconteceu? No espelho, meu sorriso vem para confirmar. Então vejo as taças que usamos para brindar. Uma noite de prazeres quase que sem fim. Tua boca no meu corpo, teu suor em mim. Quanto tempo eu espero estar contigo aqui. Esqueço que já somos ais. Vou por mim a marcar o teu número mais uma vez. Se a gente se encontrar, a culpa é de quem? Se eu chamo e tu vais. Quando bebo eu até esqueço que já somos ais. Vou por mim a marcar o teu número mais uma vez. Se a gente se encontrar, a culpa é de quem? Se eu chamo e tu vais. Se eu chamo e tu vais. Uma noite de prazeres quase que sem fim. Tua boca no meu corpo, teu suor em mim. Quanto tempo eu espero estar contigo aqui. Quando bebo eu até esqueço que já somos seis. Dou por mim a marcar o teu número mais uma vez. Se a gente se encontrar,

toma muito cuidadinho. Depressa o mal que vem, o mal vem pelo caminho, porque a vida é incerta, toma muito cuidadinho. Se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chapa, se quer.

canções portuguesas, como elas não há igual. O fado e o folclore é a riqueza de Portugal. Não há gente como a gente, o português é o primeiro. Por ser me sinto contente, nós estamos no mundo inteiro. Ora, mina, mina, mina, eu gosto de caminhar. A festa está bonita, o baile vai começar. Ora, mina, mina, mina, dançando com alegria. O Manel já virou, agora mira a Maria. Ora, mina, mina, mina, eu gosto de caminhar. A festa está bonita, o baile vai começar. Ora, mina, mina, mina, dançando com alegria. O Manel já virou, agora mira a Maria. Ora, mina, mina, mina, eu gosto de caminhar. A festa está bonita, o baile vai começar. Ora, mina, mina, mina, vida dançando com alegria. O Manel já virou, agora mira a Maria. Ora, mira, mira, mira, eu gosto de caminhar. A festa está bonita, o baile vai começar. Ora, mira, mira, mira, dançando com alegria. O Manel já virou, agora mira a Maria. Está bonita, o baile vai começar. Ora, vira, vira, vira, dançando com alegria. O Manel já virou, agora mira a Maria. Ora, vira, vira, vira, eu gosto de caminhar. A festa está bonita, o baile vai começar. Ora, vira, vira, vira, dançando com alegria. O Manel já virou, agora mira a Maria. Ora, vira, vira, vira, eu gosto de caminhar. A festa está bonita, o baile vai começar. Ora, vira, vira, vira, dançando com alegria. O Manel já virou, agora mira a Maria. Ora, vira, vira, vira, eu gosto de caminhar. A festa está bonita, o baile vai começar. Ora, mira, mira, mira, dançando com alegria. O Manel já virou, agora mira a Maria. Pop de Portugal. Rádio RPF, todos os domingos, das 10 horas ao meio-dia. Et oui, on est de retour, un petit problème technique. Parce qu'il faut que notre technicien se remette en place pour cette nouvelle saison du Top du Portugal. De retour sur le Top du Portugal sur Radio RTF 95.4 ou www.rtflimoche.com. Vous pouvez nous contacter parce que maintenant c'est possible sur les réseaux sociaux comme d'habitude, sur Facebook le Top du Portugal sur Radio RTF ou sur Snap le TDP RTF 95.4, et l'Insta est en cours de construction, il y en avait un avant mais il va se remettre en place. Vous pouvez aussi nous appeler Eric il est occupé. Je peux pas tout faire. Il règle les problèmes techniques. Mais bon, on peut quand même nous appeler, Eric. Oui, on peut nous appeler au 05 55 50 09 09. Le numéro n'a pas changé. Le numéro n'a pas changé, c'est toujours Eric qui vous répond. C'est toujours moi. Comme convenu, du coup, c'est vrai que ça manque de musique derrière, ça fait bizarre. Et on va essayer, on va essayer. Bon, en attendant, on rappelle quand même qu'on est avec Sabrina. Sabrina des Lusitanos, on peut l'appeler comme ça. Ça s'appelle Sabrina Carvalho en fait. C'est elle en fait qui s'occupe des cours de Zumba à l'association Lusitanos de Limoges et qui à la base en tout cas avait pris des cours de Zumba adultes. Bonjour Sabrina. Bonjour. Ça va ? Ça va. Il faut comme que un dimanche matin. Quoi. Ouais, il faut que tu parles près du micro sinon non, on t'entend pas. Oui mais sinon on t'entend pas. Alors du coup tu as pris les cours de Zumba adultes il y a maintenant... C'est la troisième année. Trois ans. Alors, avant de parler des cours de Zumba enfant, on va parler de ce adulte. Ça se passe comment? C'est où? Qu'est-ce qu'on y fait? On se doute bien que c'est de la Zumba, mais qu'est-ce que c'est que de la Zumba en vrai? Ceux qui voudraient venir et qui connaissent pas vraiment. Alors, donc pour la Zumba adulte, c'est tous les lundis à l'espace Romanet, donc 42 rue Bernard II, Ventadour, ou Ventadour, je sais plus trop, envers là-bas. C'est là-bas. Voilà. Donc c'est de 20h30 à 21h30 et donc la Zumba c'est de la danse et du fitness, c'est mélangé, donc en fait on fait un peu de sport en dansant, sur la plupart du temps sur des danses latines, après on peut écarter un peu, voilà. C'est le principe. Voilà, on des fois je mets, enfin oui. Voilà, on essaie d'écarter, de mettre un peu des musiques portugaises. C'est le but, parce que c'est quand même une association de, portugaise à la base, donc du coup, on essaie quand même d'y intégrer. Et puis finalement, c'est de la... On adapte, parce qu'on n'a pas aussi que des Portugais. Oui, mais après, c'est, de toute façon, c'est des musiques latines, et les musiques latines, ça rentre aussi dans la culture portugaise. Donc voilà, et on passe une heure à se dépenser, à transpirer, à s'amuser. Et du coup, si on veut y aller, donc on sait où c'est, on sait à quelle heure, ça dure une heure, et on peut peut-être parler un peu des tarifs. Alors déjà, le premier cours, le premier cours où vous venez est gratuit. Donc c'est un cours découverte. D'essai. Voilà, d'essai. Si vous aimez, vous revenez. Si vous aimez pas, vous revenez pas. La plupart reviennent. Donc c'est bon signe. Et il faut payer une adhésion à l'année, donc à l'association, qui est de 15 euros. Donc vous payez 15 euros pour toute l'année. Et ensuite, c'est des cours que vous payez à la séance ou c'est un système de cartes qu'on a mis en place. Donc c'est 5 euros le cours ou alors 40 euros les 10 cours. Voilà, la carte des 10 cours. Et du coup, si on ne vient pas ? Si vous ne venez pas, le cours ne compte pas. Donc je poinçonne la carte que quand vous êtes présente. Ça, c'est hyper intéressant du coup parce qu'au moins ça permet de pas payer sur un forfait, et quand on vient pas, et ben voilà, on n'est pas engagé non plus. Si on veut arrêter, on peut arrêter en fait. Exactement. Non, et puis ça permet de s'adapter. J'ai des élèves qui sont aides-soignantes ou qui ont des métiers et qui permettent de pas de venir tous les lundis, donc elles viennent une fois sur deux ou même une fois sur trois. Donc voilà. Oui, ça. Voilà, ça permet de. Du coup, c'est quelque chose qui fonctionne. Il y a à peu près combien d'élèves ? Alors, on va dire une vingtaine. La semaine dernière, c'était la rentrée. Et on était à peu près 25. Alors après, c'est 25, mais comme tu le disais, ils ne viennent pas forcément. Voilà, c'est ça. Donc on est entre 15, on va dire une quinzaine à chaque cours. C'est un groupe qui fonctionne parce que du coup, il y a quand même une ambiance sympa. Ouais, bah oui, parce qu'il y en a qui sont là depuis le début, donc du coup, on se connaît bien maintenant. Oui, et puis on fait des choses pendant l'année. Voilà, ça c'est important. Ouais, on peut faire des soirées. L'année dernière, on a fait des soirées laser game, donc autre chose, des restos, enfin voilà. Donc il faut les rejoindre si vous aimez la Zumba et que vous aimez avoir une activité extérieur et un peu sympa, rencontrer du monde. C'est pas ouvert qu'aux filles. Ah non non, c'est pas ouvert qu'aux filles. On dit que la Zumba souvent c'est les filles, mais les garçons sont bienvenus. D'ailleurs, j'ai un élève, il serait bien content d'avoir des copains. Il est censé écouter ce matin, il a dit sur Facebook. N'est-ce pas Elder? Un coucou Elder, s'il nous écoute, il a dit qu'il le ferait, donc voilà. Un petit coucou. Et donc du coup, ça c'est la Zumba adulte. Oui. Et de ça est né l'idée d'envisager un cours de Zumba mais enfant. Voilà. Donc, en fait, on a pensé à ça parce que, donc je vous explique, c'est très simple. On a des mamans qui ne pouvaient pas faire garder leurs enfants le lundi soir. Donc elles emmenaient leurs enfants. Et je me suis rendu compte que les enfants, ils restaient pas sur le côté en train de jouer et qui dansaient pendant une heure. Enfin, qu'ils essayaient en tout cas. Qu'ils essayaient, ouais. Et donc du coup, on a voulu mettre en place ça cette année, donc pour les enfants. Donc voilà. Donc je vais aussi donner des cours pour les enfants, donc bien sûr adaptés aux enfants. Bien sûr, avec des musiques qui leur plaisent, voilà. Qui peuvent même aussi choisir. Hein. Exactement. Après ça, je m'adapte avec eux. Le premier cours c'était vendredi dernier, parce que ça se passera les vendredis du coup, de 19h15 à 20h. Donc on reste sur trois quarts d'heure pour les enfants, c'est déjà bien suffisant. Ils dépensent pas mal quand même. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc du coup, le vendredi soir, de 19h15 à 20h, et la salle, c'est la salle municipale du Viginal. Exactement. Alors, on n'a pas l'adresse là, mais en fait, si vous tapez la salle municipale du Viginal... De toute façon, il n'y en a pas... Oui, il y a l'adresse, et puis ils peuvent venir comme ça, en fait. Exactement, donc c'est le même principe, c'est ceux qui viennent, le premier cours, c'est cours découverte, surtout pour les enfants, parce que bon, au début, ils ne savent pas trop... C'est le moment où ils choisissent leur activité. Voilà, exactement. Et donc là, le système, les tarifs, c'est différent. C'est pas comme pour les adultes. On a mis en place. Donc il faut payer l'adhésion aussi. C'est 10 euros pour les enfants, donc l'adhésion à l'association. Et ensuite, c'est un abonnement. Enfin, en fait, on paye au mois. Parce qu'on s'est dit que les enfants, ça change vite d'avis. Donc en fait, il n'y a pas d'engagement. Donc c'est 15 euros le mois. Et voilà, et si le mois d'après ils veulent pas venir, et ben on paye pas. C'est intéressant. Voilà, c'est intéressant à ce niveau-là, surtout pour les enfants, voilà, qui quand on a 5-6 ans, on ne sait jamais trop ce qu'on veut faire. Donc, exactement, voilà. C'est ouvert de quel âge à quel âge, du coup? Alors, de 4 ans à 12 ans. Donc, voilà. Donc, je prends les petits de 4 ans, en sachant que voilà, ça reste des enfants à 4 ans. C'est petit quand voilà, même. Voilà, c'est petit quand même, mais du coup, je ne suis pas tout le temps derrière eux. Enfin, voilà. C'est un peu pour... Voilà. Pour danser, ils font ce qu'ils veulent, je suis pas... Oui. Ça reste des enfants. Hein, donc... Ça permet de bouger aussi un peu. Exactement. De se dépenser. Et puis de... C'est bien, ça permet aussi de travailler en groupe, parce que malgré tout, ils sont pas que deux. Hein. On en a... Oui, on en a. On en a un petit peu. Et donc voilà, donc... Donc si vous voulez y aller, ou si vous voulez plus de renseignements, comment on peut faire? Mais comment on peut faire Si on veut on avoir te contacte, des Eva. C'est ça le problème. On peut contacter Eva, la présidente, ou moi-même, bien sûr. Oui. Donc après, on publie beaucoup sur les réseaux. Donc il y a nos numéros. Donc faut pas hésiter à nous appeler, à nous poser des questions. Voilà. Ou alors tout simplement à venir le vendredi, même si vous voulez pas forcément le faire, mais vous pouvez regarder aussi, voir comment ça se passe. Oui, c'est important que ça, de dire que c'est ouvert, que c'est quelque chose aussi dans une bonne ambiance. Ouais. Après, c'est un peu plus ludique que pour les adultes, ce qui est normal. Voilà. Avec les adultes, je suis un petit peu plus sévère. Il faut qu'ils travaillent. Je suis un peu plus... il faut transpirer. Les enfants, bon, c'est plus cool. On s'amuse. Oui, exactement. Et puis, c'est ce qu'ils aiment, les enfants. Les premiers retours, en tout cas, de vendredi, des enfants qui étaient là, étaient plutôt positifs. Ils étaient contents. Exactement. Alors, il y a Et aussi... moi aussi. Ah, bon, ça va. Il y a aussi le Facebook de l'association où les gens peuvent contacter l'association Jelousitanus de Limoges. Ça marche aussi et on répond à toutes les demandes via ce réseau-là. Il y a aussi l'Instagram du groupe, de l'association. Tapez Jelousitanus de Limoges, vous trouverez sur Instagram, sur Facebook et sur Snap aussi. Il y a aussi un Snap qui s'appelle Jelousitanus, je crois. Après, sinon, moi, j'ai mon Insta, j'ai mon Facebook aussi. Donc, Sabrina Carvalho, vous pouvez venir me poser des questions, il n'y a pas de souci. Et je voulais aussi préciser quelque chose pour la Zumba Kids, on a oublié. Pour les fratries, donc c'est-à-dire que si ils sont deux frères et sœurs ou trois, donc le prix est réduit en tout cas. Donc pour deux enfants de la même famille, on est à 25 €, c'est ça l'abonnement, et pour trois, 35. Exactement. Voilà. Et après, parce que nous on peut plus, hein. Mais voilà, ça permet de venir peut-être des fois entre frères et sœurs, c'est plus facile. Donc voilà, d'ailleurs vendredi. Ce qui s'est passé, ils sont venus entre frères et sœurs. Oui, donc, exactement. Voilà. Bah, quitte à en amener un, vous pouvez amener vos enfants. Après, est-ce qu'il y aura des choses organisées dans l'année aussi pour les enfants? Oui, je pense. On mettra des choses en place. Par exemple, pour Halloween, on peut faire des. Voilà, on pourra peut-être faire des choses. Pour à Noël. Et puis il y aura si la crise sanitaire nous le permet, il y aura aussi quelque chose de l'association. Comme une fête de l'association, souvent c'est le festival, mais il y aura quelque chose où tout le monde pourra se regrouper et montrer ce qu'il fait pendant l'année. Voilà. Et du coup, dans l'idée, si j'ai assez d'enfants, ce serait bien pour le festival faire un petit spectacle. Voilà. Oui, c'est le but qu'ils puissent aussi montrer ce qu'ils font pendant l'année. Et du coup, sur la le premier cours des enfants, tu as fait deux musiques. Et honnêtement, de l'extérieur, on se dit c'est beaucoup de musique déjà dès le premier cours pour les enfants. Mais en fait, ça a marché, ça a pris. Oui. Mais c'est qu'en fait, ils retiennent assez vite. Bah oui. Mais le truc, c'est qu'ils s'ennuient aussi très vite. Donc on peut pas faire quatre fois la même musique. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on a fait deux musiques. Et au final, ça... Une où ils étaient un peu plus concentrés, et l'autre où c'était plus de l'amusement, mais justement, c'était... C'est des choses vraiment qui sont adaptées à des enfants, des musiques qu'ils connaissent souvent, qu'ils ont l'habitude d'entendre. Du coup, ça c'est une motivation pour eux. Ouais, et puis bon, ils me motivent, parce que... Ils s'arrêtent pas. Oui, c'est ça, ça dit. Ils fatiguent plus que les adultes. Ça dure trois quarts d'heure. Oui, c'est bien oui. Pour ça, ça va, tout va bien. Ça va. Merci Sabrina, tu restes avec nous quand même. T'en auras peut-être d'autres questions à te poser. Ah ben oui, bien sûr. Eric, il a dit, attention, moi je peux te poser plein de questions aussi, tu vas voir. Hein. On l'entend pas en attendant. Non, on l'entend pas. On repart du coup sur les événements, sur ce qui se passe un petit peu. Donc comme vous le savez, il se passe pas grand-chose. Évidemment, crise sanitaire oblige, on essaie de respecter comme il faut les gestes barrières et ce qu'on nous demande. En tout cas, l'association Lusitone a repris du service. Ils ont commencé déjà il y a une semaine à reprendre les entraînements parce qu'ils étaient aussi au forum des associations. Donc si vous voulez aller faire du folklore, parce que ça c'est important, le groupe est à la recherche de danseurs, chanteurs, musiciens, de tout en fait, venez. C'est le vendredi à partir de 21h à la salle municipale du Viginal, là où les enfants font la Zumba. Les enfants, c'est 19h15 à 20h. Je fais une petite aparté sur la Zumba Kid. Les horaires ont changé, hein, que ce qui a marqué sur les réseaux sociaux. On avait mis en place 19h-19h45, mais... Pour plus de facilité. Voilà, plus de facilité, parce qu'il y a une association avant dans la salle. On a décalé d'un quart d'heure, donc c'est 19h15-20h. Voilà. Donc, et ensuite il y a une pause parce qu'il faut que la prof elle mange quand même, c'est mieux. Donc, je me lave aussi, c'est bien. Parce que du coup elle fait partie, elle est danseuse au groupe folklorique, mais du coup ensuite il y a le folklore qui commence à 21h dans cette même salle, la salle municipale du Viginal à Limoges. N'hésitez vraiment pas à rejoindre le groupe, parce que plus on est de fous, plus on rit, mais c'est surtout que plus on est, mieux ça marche en fait. Le groupe folklorique, il faut être nombreux pour présenter quelque chose. Donc du coup, on est vraiment vraiment à la recherche de chanteurs, de danseurs et de musiciens et de mecs, faut le dire. Ouais. Des hommes, s'il vous plaît. C'est ça, exactement. Ils ont repris du coup du service les Lusitanos pour la Zumba, on le disait tout à l'heure, le lundi pour les cours adultes, donc le vendredi pour les cours enfants, et le folklore. Mais il y a aussi des cours de portugais qui ont démarré pour les cours adultes, qui ont démarré vendredi dernier. Ça c'est le vendredi également, et c'est de 20h à 21h. Donc en fait, au niveau de l'association, de 19h à 23h les vendredis, il se passe plein de choses. Et de 20h à 21h, c'est les cours adultes. Ça se passe du côté du Sable. Alors cette fois-ci, la salle s'appelle le Foyer du Marom. Voilà. Et du coup, ça est aussi en train de se développer, parce qu'il y a beaucoup de demandes sur les cours adultes. Il nous reste une ou deux places. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi nous contacter via la radio. Pour ce qui est des cours enfants, parce qu'ils en font des choses, les Lusitanos, ça n'a pas repris, ça reprend ce samedi-là. Et voilà, ça va bien se passer, tout sera mis en place, c'est fait avec, en collaboration avec l'ambassade. On salue tous les professeurs, en tout cas, de toutes les activités de l'association. C'est important, et c'est aussi grâce à eux que les choses se font, puissent se faire en tout cas. Voilà, on part aussi du côté de la crèche La Libellule. On avait reçu Sandrine Texera il y a quelques temps déjà, même quelques années, pour nous parler de son projet de crèche. Et du coup, aujourd'hui, qui est monté et qui va très bien, mais ils sont à la recherche d'un professionnel CAP Petite Enfance, motivé et expérimenté, il y a marqué dans l'annonce. Donc voilà, si vous voulez les contacter, n'hésitez pas, la crèche s'appelle La Libellule. Voilà, il y a une bonne ambiance et ils recrutent. Donc n'hésitez pas à les contacter. Voilà, en gros... ce qu'il en est aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé, j'ai plus l'habitude. On va peut-être repartir un petit peu en musique. Si tu veux. Mais tu peux continuer à parler. Hein. Ah oui, mais je peux parler pendant longtemps, tu sais ça. Ouais. On va revenir tout à l'heure, parce qu'en plus, on va faire un petit direct Facebook. Ça fait longtemps. Comme ça, pourra interagir, je sais pas comment on dit, avec les gens, et ils pourront poser toutes les questions qu'ils le souhaitent. On fait une petite partie musique et on fait une petite partie Facebook. On revient d'ici 15 minutes. Qu'est-ce que tu peux nous proposer en musique, Eric? Tout ce que tu veux. Ah, d'accord. Je choisis la musique, t'es sûr? Tu peux. T'as pas une musique de prête, là? Non, ben bravo. Mais si. Alors, si vous avez en tout cas envie de passer des dédicaces, c'est aussi possible. Eric, il vous passe ce que vous voulez en musique, il tout vient à de fait. Le dire. Et puis, vous pouvez aussi l'appeler. On peut m'appeler, oui, bien sûr, au 05 55 50 0909. Vous croyez qu'il allait vous donner son numéro perso? Eh ben non. Pas encore. Là, il faut l'appeler à la radio. Et du coup, vous pouvez aussi passer vos dédicaces et choisir vos musiques, qui seront un plaisir de les passer. Donc, on part avec qui? San Domingue. Ah, c'est chez toi, ça. Hein. Il fallait que tu le dises, quand même. Hein. c'est pas de ma faute. C'est tombé sur cette chanson. Ils ont sorti une nouvelle, là. Oui, c'est Folie. C'est celle-là. Voilà. Alors, on écoute San Domingue et on se retrouve tout à l'heure dans le TDP, le top du Portugal, sur Radio RTF. Top de Portugal. Na Rádio RTF, todos os domingos, de manhã, das 10 horas ao meio-dia. Um abraço apertado, um sorriso no rosto, meio caminho andado para. eu quero ver. Fazemos a festa até o dia amanhecer. Hoje a festa é aqui e não podes perder. Delirar vais gostar, não podes parar, nem te vais esquecer. Ser feliz é o que nos resta. Festa, alegria, sorrisos e amigos, para completar o amor correspondido. Vem cantar, vem ficar, hoje a festa é aqui e não podes perder. Delirar vais gostar, não podes parar, nem te vais esquecer. Festa. Um abraço apertado, um sorriso no rosto, meio caminho andado, para estar bem disposto. As mãos para cima, agora eu quero ver. Fazemos a festa até o dia amanhecer. Atrás dela, sempre a pedir para ela um abraço e um beijinho. Sei que ela gosta de mim, mas eu não sou assim, eu preciso de carinho. Ando sempre a pensar como ela me há de dar só mais um miminho. Eu passo por ser um chato, mas nunca dou por barato, quero mais um bocadinho. Ela sabe que eu sou assim e isto nunca para mim é só para me ver sofrer. Eu não estou a aguentar e para me safar já nem sei o que fazer. Ela não dá, não dá nada. Ela não dá nada para mim. Ela não dá, não dá nada. Um abraço e um beijo, aquilo que eu mais desejo. Ela não dá para mim. Ela não dá, não dá nada. Ela não dá nada para mim. Ela não dá, não dá nada. Um abraço e um beijo, aquilo que eu mais desejo. Ela não dá para mim. Quando vamos para a cama e é que ela me engana, diz hoje é dia não. Eu começo a ferver, já não sei o que fazer com esta situação.

fim ninguém ganha. Já chega de medo, tanto ódio ninguém estranha. Ainda vamos a tempo de salvar esse mundo. Vale a pena tentar, nem que seja um segundo. Vamos plantar paz e muito amor, como se fosse uma flor. Não me julgues pela minha cor, julga pelo meu valor, valor. Aceitar a diferença é sinal de respeito. Contra a guerra só o amor pode fazer efeito. Oh, e espalhar a mensagem. É preciso esperança, é preciso coragem. Vem sentir a vibe que o som transmite. Estenda a tua mão e aceita este meu convite. Vamos plantar paz e muito amor, como se fosse uma flor. Não me julgues pela minha cor, julga pelo meu valor, valor. Fazer efeito. Oh. Dou-te o meu, basta sorrir, pra vibe fluir. Eu sou teu irmão, eu quero o teu bem. Se tu estás feliz, estou feliz também. Aceitar a diferença é sinal de respeito. Contra a guerra só o amor pode fazer efeito. Vamos bailar. Foi uma miragem ou aparição, quando eu cantava a minha canção. No meio do povo ela seduziu, mas de repente já ninguém a viu. Eu gritei, o onde ela está? O povo cantou, olé, olá. De novo gritei, o onde ela foi? E o povo cantou, oi, oi, oi, oi. Onde está a morena que tanto procuro? Eu quero vê-la dançar o coduro. Levantem os braços, quem a viu passar? E neste coduro vamos bailar. Onde está a morena que tanto procuro? Quero vê-la dançar o coduro. Levantem os braços, quem a viu passar? E neste coduro vamos bailar. fez-me apaixonar. Será que ainda está por aí? Se a encontrarem, que venha para mim. E eu gritei, onde ela está? O povo cantou, olé, olá. De novo gritei, onde ela foi? E o povo cantou, oi, oi, oi, oi. Onde está a morena que tanto procuro? Eu quero vê-la dançar o kuduro. Levantei os braços, quem a viu passar? E neste kuduro vamos bailar. Onde está a morena que tanto procuro? Eu quero vê-la dançar o kuduro. Levantem os braços, quem a viu passar? E neste kuduro vamos bailar. Onde está a morena que tanto procuro? Eu quero vê-la dançar o kuduro. Levantem os braços, viu passar, e neste kuduro vamos bailar. Onde está a morena que tanto procuro? Eu quero vê-la dançar o kuduro. Levantem os braços, quem a viu passar, e neste kuduro vamos bailar. Onde está a morena que tanto procuro? Eu quero vê-la dançar o kuduro. Levantem os braços, quem a viu passar, e neste kuduro vamos bailar. Pop de Portugal. Pop de Portugal. Na Rádio RTF. Todos os domingos. De manhã. Das 10 horas ao meio-dia. Et de retour dans le top du Portugal. J'ai pas mis mon casque en fait. Donc de retour dans le top du Portugal sur Radio RTF 95.4 ou sur le www.rtflimoges.com. Un petit rappel des réseaux sociaux parce qu'on est en direct. Bon, pour l'instant il n'y a personne, mais on est en direct sur mon Facebook Eva RTF. Donc venez nous voir et on relaiera en fait vos commentaires directement à l'antenne. Vous pouvez aussi nous contacter parce que le top du Portugal, le TDP comme on l'appelle, a plein de. On peut le contacter sur tous les réseaux sociaux. On est disponible sur Facebook. Et on répond à toutes vos questions sur le top du Portugal sur Radio RTF. Sur Facebook, ça s'appelle comme ça. Sur Insta, c'est en cours de je sais pas comment on dit, de montage. Et je savais pas. Et fabrication. Si vous voulez. Pardon. Et on est sur Snap. Et Snap, c'est le côté drôle du TDP. En fait, on met des filtres et tout. Et puis on affiche Eric, parce que vu que c'est nous qui avons. Enfin, maintenant, du coup, c'est moi qui ai le Snap, et ben c'est moi qui le fais. Du coup, t'as plein de filtres sympas et tout. Franchement, on voit Eric sous un nouveau jour. On le connaissait pas comme ça. Allez, venez nous voir sur le TDP RTF 95.4 sur Snap. Et du coup, comme je le disais, on est en direct sur Facebook. On est avec Jean-Charles qui nous dit coucou tout le monde. Jean-Charles, un fidèle auditeur. Il y a Sabrina, elle est là. Elle a fait une petite. Ouais, voilà, elle est juste venue nous voir. Elle nous montre qu'elle mange ce matin. Elle nous a amené le petit déj. C'est super. On a Alex. Alex aussi qui a une radio, une émission portugaise. On a Isabelle Fernandez qui est avec nous. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a aussi le groupe Enigma qui est présent avec nous, à qui on fait un coucou. On connaît bien de par chez nous. Merci à tous d'être avec nous, de nous soutenir et de nous suivre. Tout à l'heure, on aura l'interview de Michael Alves Rodriguez, qui est un champion de kettlebell, qui sera avec nous et qui nous expliquera son palmarès, sa formation, tout ce qu'il a entrepris pour en arriver là aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on peut déjà dire le programme de la semaine prochaine, on aura en direct dans nos studios le chanteur Lusi Oxy. Ça vous dit peut-être rien comme ça, mais en fait vous le connaissez tous, vous l'avez tous déjà tous déjà vu quelque part. On vous en dira plus. En tout cas, vous pouvez aller le voir. Il a sorti un nouveau single, un nouveau titre qu'on passera aussi également. Alors, qui c'est qui est avec nous? Comme on le disait, Nuno Mira, c'est le groupe Enigma. Bon dimanche à vous, à toute l'équipe et éditeur. Je pense qu'il voulait dire et auditeur. Salut Nuno et salut le groupe Enigma. Isabelle Fernandez, je suis contente de vous retrouver. Nous aussi, on est contents de retrouver tout le monde, de reprendre et de vous donner un petit peu du soleil du Portugal dans vos oreilles le dimanche matin chez vous. Dites-nous si vous nous écoutez et en faisant quoi? Il y en a plein qui font le ménage. Ça nous était rapporté. On est aussi écoutés, on le rappelle, du côté des saveurs du Portugal sur Limoges. C'est un magasin portugais, allez-y. Et je sais qu'on est aussi écouté dans un petit magasin portugais du côté de Périgueux aussi. On leur fait un coucou à Hola Portugal. N'hésitez pas à y aller, plein de produits portugais pour vous rappeler le Portugal de vos origines ou pour le découvrir si vous n'avez pas ces origines-là. Bonne émission, bisous. Carlos Pires Gomez. C'est Radio RDC, Radio Charente. C'est pareil, une émission portugaise le lundi soir cette fois-ci du côté de la Charente et d'Angoulême. Voilà. Eh bien, c'était sympa. Ça fait... Faut vraiment qu'on trouve quelqu'un d'autre parce que franchement, parler toute seule pendant toute l'année, ça va être long. Tu t'ennuies? Non, je m'ennuie pas, mais j'ai vraiment l'impression de parler toute seule. Mais... Heureusement, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent. Comme souvent, comment ça, je parle toute seule? Voilà, je vais te finir. Mais tu parles folle. Beaucoup. Oui, je parle beaucoup. Plus que moi, donc tu vois, c'est... C'est vrai. Au moins, on ne peut pas remplacer, Julie, comment tu veux faire? On te laisse parler. J'arrête de parler, c'est bon. Allez, je vous laisse la parole. Et voilà ce qui se passe. Je le savais. Mais t'as pas attendu 2 secondes. Vous avez besoin de moi, c'est tout. Mais en tout cas, ceci dit, on peut dire qu'on cherche quand même quelqu'un. Oui, on cherche quelqu'un. Pour nous rejoindre dans l'émission. Mais qui parle un petit peu moins que toi. D'accord. Il est portugais, c'est ça? Qui sait parler portugais, ça serait bien. Comme ça, on pourrait... C'est pas qu'on sait pas parler portugais, on sait parler portugais, mais quelqu'un qui le maîtrise parfaitement. On veut que l'émission soit parfaite. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez commencer cette belle aventure avec nous. Vous allez voir, c'est une super expérience la radio, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous dire que vous êtes intéressé via tous les réseaux qu'on vous a parlé tout à l'heure. On va repartir en musique parce qu'après on a l'interview de Michael Alves Rodriguez, donc on fait une petite pause. On est encore en présence sur Facebook, hein, on reste un petit peu avec vous et ensuite on a l'interview de monsieur Michael Alves Rodriguez. On peut repartir en musique? On y va. On va avec qui? Némanus. Némanus. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas entendus. 2 mois. Mais celle-là, vous la connaissez pas. Les nouvelles? Ouais. Ah, la nouvelle de Némanus. Restez bien à l'écoute. Regardez rien du tout parce que c'est à la radio. Restez bien à l'écoute. On revient tout à l'heure dans le top du Portugal sur Radio RTF. Pop de Portugal. Na Rádio RTF. Todos os domingos. Das 10 horas ao meio-dia. Se já não quer. Eu vou chorar, porque eu vou chorar. Se já não quer, porque eu vou chorar, porque eu vou chorar. Hoje o solteiro voltou, já que não rola, acabou. Eu fiz de tudo pra tentar mudar. Se deu errado, meu bem, a culpa é sua também. Eu tentei. Deixar pra lá. Agora o jogo acabou. E o papai aqui chegou. Essa cachaça chegou ao final. Do coração eu te apaguei. Agora não vem que não tem. Essa noite vou pegar geral. Se já não quer, porque eu vou.

Sur le top du Portugal. Ils font des blagues. Non, mais je veux dire qu'aujourd'hui, hein, la reprise est dure. Hein. On est de retour sur le top du Portugal, le TDP sur Radio RTF, et on est en direct avec Michael Alves Rodriguez. Salut Michael. Non, il n'est pas là. On l'a perdu. Michael, est-ce que tu es là? Ah, nous avons un petit souci. Eric, il est à vous. On va régler le problème et puis on va l'avoir dans deux petites minutes, juste le temps que ça se remette en place. C'est la première, je vous demande à tous d'être indulgents avec Eric. Allô, allô. Non, on l'entend toujours pas. Voilà, ça marche pas. Est-ce que ça va fonctionner? En attendant que ça fonctionne, on est toujours avec Sabrina qui est là et qui nous disait justement que Mickaël, elle le voyait sur Facebook et qu'elle souffrait pour lui. En off, elle nous racontait ça du coup, puisque visiblement le kettlebell c'est quand même très très physique. Et on aimerait bien qu'il nous explique ça en fait, Eric. Eric, il faudrait trouver la solution, là, tout de suite, maintenant. Donc bon. Là, vous voyez pas Eric, mais il rentre dans un état de panique, je ne sais pas d'où vient le problème. Allô, allô. J'ai cru entendre... Allô, allô. Mickaël, si tu nous entends, eh ben non. Donc voilà, on va essayer de régler le souci. Eric essaie de mettre ça en place. En attendant, on peut refaire un point sur la Zumba, sur Sabrina qui est là avec nous et qui nous... Bah oui, Sabrina, du coup, il faut que tu combles toi aussi. Merci, super. Tu reviens pour... Tu es venue ici pour nous parler de la Zumba enfant. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement s'il y a des enfants qui veulent venir, où c'est et combien ça coûte? Alors, c'est les vendredis soirs de 19h15 à 20h. C'est à la salle municipale du Viginal. Et votre premier cours, il est gratuit. C'est un cours découverte. Donc, vous venez avec vos frères, vos sœurs, vos copains, vos copines. Voilà. Et j'espère... On s'entend plus du tout, en fait. C'est une catastrophe aujourd'hui. Est-ce qu'on a l'antenne, Eric? Parce que j'entends plus de retour dans mon casque. Et du coup, ça va être compliqué de faire l'interview si j'ai pas le retour casque. Je sais pas. Tout va bien ce matin. On fait l'interview. On essaie de faire l'interview. J'ai pas de retour. Mickaël, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Ah, est-ce que vous l'entendez? Attends, on va faire autrement. C'est vraiment, on est vraiment désolé pour ce petit souci. Ouais, exactement. C'est un peu compliqué. En plus, c'est la première du coup. Alors, attends. 2 minutes. Normalement, c'est bon. On t'entend bien. Je te remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Mickaël Alves Rodriguez. On va repartir un petit peu sur ton parcours. Et donc, du coup, tu fais du kettlebell aujourd'hui, mais tu as commencé avec de la boxe anglaise éducative en 1992. Ouais, ça remonte maintenant. Ah ouais, ça fait quelques années. Ouais, j'ai commencé par la boxe à l'âge de 8 ans. Quand on commence à l'âge de 8 ans, on commence par la boxe éducative. Pour faire simple, hein, ce qui diffère de la boxe amateur et puis après de la boxe professionnelle, c'est que la boxe éducative, on a les casques, comme en boxe amateur dans les débuts. Oui. Et puis c'est essentiellement au pointage, c'est-à-dire qu'il faut marquer plus de points que son adversaire. Et on n'a pas le droit au KO, par exemple. Si un saignement de nez, on arrête le combat, etc. Ce qui est normal pour protéger les enfants. D'accord. J'ai fait de la boxe, j'ai commencé par la boxe éducative jusqu'à l'âge de 14 ans, et à 15 ans je suis passé amateur. Ouais. Et puis j'ai effectué également une vingtaine de combats amateurs. Voilà. Avec d'accord. Également un stage, avec également des stages en équipe nationale. Voilà. Donc ça c'est boxe anglaise, c'est au tout début. Uniquement donc t'étais. Les points, ouais. Ouais. Donc uniquement les points, c'est ça la différence avec. Avec la boxe. Avec le kickboxing ou le Muay Thai ou maintenant le MMA, que là c'est un peu tout qui est autorisé, le sol, etc. Ouais. D'accord. On va rappeler quand même ton palmarès en boxe parce que t'en as quand même un qui est assez impressionnant. Sur 70 combats, 45 victoires, 10 matchs nuls, 15 défaites. En soi, tu te débrouillais déjà pas mal même quand tu étais plus jeune. Oui. C'était ma passion, ça l'est toujours puisque c'est mon métier aujourd'hui. Je suis entraîneur de boxe spécialisé du moins en sport de combat. Donc c'était plutôt pas mal. À cette époque, on avait de grandes ambitions. Et oui. Puis les aléas de la vie ont fait que effectivement ça s'est arrêté un peu plus prématurément. Et donc du coup, il y a eu une pause. Tout à fait. Avant le kettlebell. Oui, voilà, il y a eu une longue pause. Ouais. Donc j'étais compétiteur, effectivement. Il y a eu une première pause pour des raisons d'études professionnelles, etc. Et il fallait faire un choix. Donc voilà. Et puis après, j'étais en pleine ascension pour reprendre en main ma carrière de boxeur. Et puis j'ai eu un accident, les aléas de la vie, donc, et qui m'a complètement écarté des rings, puisque médicalement, je n'étais plus autorisé à reboxer. Pour avoir une licence de boxe, on a des examens médicaux, notamment au niveau au niveau du crâne, on a des scanners à faire, etc. Et donc, pour des raisons médicales, je ne pouvais plus reboxer. Donc, je me suis tout de suite dirigé vers le métier d'entraîneur, un peu plus prématurément que je l'avais prévu dans ma tête, on va dire. Et puis, voilà, je me suis dirigé vers mon métier d'entraîneur qui me passionne, parce que même en étant boxeur, j'étais toujours au service des collègues, au service des amis à la salle. J'entraînais déjà les jeunes. Quand je suis passé adolescent, par exemple, je m'occupais des jeunes à la salle. Quand j'étais même adolescent, j'accompagnais mon entraîneur lorsque les plus grands boxaient. Bon, j'ai toujours été attiré par le métier de coach. Donc, du coup, je m'y suis mis à 2000%. J'ai passé tous mes diplômes d'État. Et c'est dans le cadre de mon métier d'entraîneur que j'ai découvert ma deuxième passion qui fait partie maintenant de mon quotidien, qui est le kettlebell sport. Alors du coup, ça a été un réel combat, parce que le kettlebell sport, c'est physique. Et du coup, tu as lutté pour réussir à refaire une activité physique, en fait. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, j'ai arrêté un sport qui est dur, parce que la boxe c'est quand même un sport qui est dur, pour démarrer dans un autre sport qui l'est tout autant. Donc la violence, elle est pas physique, c'est-à-dire on n'a pas de marque sur le visage, mais pour le corps, c'est tout aussi violent. Donc effectivement, ouais, ça a été un nouveau gros défi. Mais l'enjeu, le challenge, m'a vraiment, et puis ce sport m'a vraiment passionné, et du coup je m'y suis investi à 2000%. Et là, le palmarès est aussi aujourd'hui, en tout cas, est aussi impressionnant, parce que je vais le dire là, mais il y a en 2015 champion Open de France, 2016 champion. Alors ça, c'était Open de France, médaillé de bronze. En 2015, effectivement, je remporte l'Open de France, qui est un peu la base, hein, si on veut aller plus loin dans ce sport, un peu comme dans tous les sports, on doit passer par des paliers, donc ça c'était le palier, donc assez rapidement. Donc c'est ce qui nous a laissé, c'est ce qui nous a donné plein d'ambition pour le futur. C'est-à-dire que en moins d'un an, je remporte l'Open de France, assez largement en plus, sur des adversaires qui avaient plus d'expérience que moi, et donc ça a été le premier palier qui m'a permis d'accéder à l'international. Voilà, donc, et après... 2015, oui. Très très rapide, même encore aujourd'hui, moi je suis athlète professionnel dans ce sport, mais je suis aussi coach, j'ai formé des athlètes, j'emmène des athlètes au plus haut niveau. C'est rare qu'en moins de 2 ans, on a un athlète qui passe tous ses paliers et qui se retrouve en championnat du monde. Puisque, du coup, en Biélorussie en 2015. Peu de temps après l'Open de France, donc après mon premier palier national, je me retrouve en Biélorussie, en championnat du monde, en professionnel, et à côté de tous les numéros 1 de ce sport. C'est ça. Et donc du coup, médaillé de bronze en Biélorussie. L'année d'après, on re-champion de l'Open de France, et cette fois-ci champion du monde au Danemark. Tout à fait, voilà, c'est ça. Et donc ensuite, Biélorussie qui reste le premier. Un gros moment pour moi, qui restera toujours, je pense, encore maintenant, le gros palier, parce qu'on prend un vrai choc culturel, hein. On arrive en Biélorussie, on prend déjà un choc culturel, on arrive dans un pays où ce sport-là est quasiment une religion, un peu comme en Thaïlande, la boxe thaïlandaise, vous voyez, c'est vraiment là-bas, c'est le sport numéro un. Alors, je pars de France où ce sport est totalement inconnu, et on arrive là-bas en Biélorussie où les athlètes sont vraiment considérés un peu comme chez nous, les grands joueurs de football, etc. Donc on arrive dans un pays où ce sport-là est très très très très mis en avant. On se retrouve plus haut niveau face aux meilleurs de ce sport. Donc ça a été une grosse expérience pour moi. Je décroche une médaille de bronze, c'était pas prévu au programme, j'étais un peu l'outsider de la catégorie. Déjà à l'époque, c'était un gros palier, c'est une belle médaille, et ce qui m'a aidé à par la suite à renouveler un an après au Danemark, où j'étais déjà plus le même athlète et plus le même homme, quoi. J'ai vraiment passé un gros palier là sur ces entre 2015 2016. J'ai appris vraiment à devenir professionnel dans ce sport, ce qui était un défi de la vie au départ pour moi, parce que c'était un peu ça. Je me disais quand on m'a proposé, en tout cas lors d'une formation, on m'a proposé donc de faire ce sport, d'être formé et de éventuellement dans un futur proche intégrer l'équipe nationale. Au début, moi, c'était un défi de la vie, un challenge. Je me suis dit, bon, bon bah voilà, j'ai arrêté ma carrière, je ne peux plus boxer, j'étais entraîneur déjà depuis 3-4 ans, là on me propose un nouveau défi, donc c'était vraiment un challenge, un défi, j'aurais pas pensé que ça durerait dans le temps ou que ça m'emmènerait où ça m'emmène actuellement quoi. Oui, et puis ça dure dans le temps, hein, parce que là on a été jusqu'en 2015-2016, mais derrière il y a 2017 champion de France, champion d'Europe en Grèce, vice-champion international en Italie, en 2018 champion de France, champion international en Irlande, en 2019, c'était l'année dernière, champion Open de France, vice-champion du monde en Pologne. Et cette année ? Oui. Il va se passer quoi cette année ? Cette année, on peut vous le dire un peu en exclusivité. Hein. Oui, apparemment, tu as une annonce à nous faire. Alors nous, on a une petite annonce. Ça me fait plaisir de la faire sur votre antenne, puisque on a une personne en commun. Exactement. Qui fait pleinement partie de ce projet. Donc, qui est Walter Fernandez et que vous connaissez bien, parce qu'il était animateur sur votre radio. Exactement. C'est notre ancien collègue. On passe le bonjour parce que je suis sûr qu'il nous écoute. Ouais, je suis sûr aussi. Je lui passe aussi le bonjour. Parce qu'il faut savoir que même notre rencontre, maintenant qui est devenue vraiment... Il y a une amitié hein, qui est vraiment naissante entre nous deux, mais cette rencontre a été faite sur votre antenne. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai été un peu mis en avant, notamment dans la communauté portugaise, ça a été avec Radio RTF et c'était avec Walter qui m'avait repéré sur Facebook et qui m'a fait mes premières interviews. Et hier, je prenais plaisir à retourner dans les souvenirs Facebook et ça datait de 2017 déjà à l'époque, 2017-2018, on faisait déjà des interviews sur votre antenne et donc là on est au départ d'une grande chose. On va en tout cas essayer en tout cas d'écrire l'histoire puisque je vais être le capitaine de la première sélection portugaise de l'histoire de ce sport donc on peut vous l'annoncer, ça va être officiel là dans les semaines. On était plutôt sur de la paperasse administrative avec le Portugal ces dernières semaines, tout a été en accord, on va intégrer deux fédérations mondiales majeures, donc c'est ce qui est génial puisque moi avec l'équipe de France je ne concourais que dans une fédération mondiale qui est aussi l'une des top fédérations mondiales qui est l'IKMF, mais en faisant cette fusion. Et donc dorénavant, en représentant le Portugal, nous allons être représentants à l'IKMF et à la WKSF, qui est une autre fédération mondiale majeure de ce sport. Donc c'est super, hein, c'est un super challenge qui s'offre à nous. Déjà, c'est d'écrire l'histoire pour notre pays d'origine. Exactement. Déjà, écrire l'histoire de ce sport là-bas, qui est un sport qui n'est pas développé. Et en tout cas, on va s'y atteler. Et puis aussi, maintenant, d'être présent un peu sur tous les fronts à l'international. Donc, puisqu'on sera présent, que ce soit sur les compétitions internationales WKSF et que ce soit sur les compétitions internationales IKMF. Donc c'est un gros challenge qui s'offre à nous et c'est super. Je suis très très très content et très fier. Félicitations en tout cas. Toute l'équipe t'envoie les félicitations également. Tu reviendras quand même nous raconter quand tout sera mis en place et puis les résultats que vous ferez, tout ça. Tu viendras nous le raconter à l'antenne. Oui, on sera ravis de... Bien sûr, avec grand plaisir, sachant qu'en plus tout ça va arriver très vite, c'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, je suis actuellement en préparation depuis 15 jours pour le championnat d'Europe WKSF, donc l'autre fédération mondiale à laquelle je n'ai jamais concouru. La difficulté, juste pour vous faire court, pour que les auditeurs comprennent, c'est que c'est un double défi, puisque en fait l'IKMF, la fédération à laquelle j'appartiens, c'est une fédération de marathon, c'est-à-dire que je concours avec une kettlebell sur des durées plus ou moins longues, 30 minutes, 1 heure. La WKSF, c'est une fédération mondiale de kettlebell sport, mais lutte traditionnelle, classique. C'est-à-dire que les épreuves se font avec deux kettlebells. Donc c'est beaucoup plus lourd, l'effort est plus intense, mais plus court, puisque c'est des épreuves de 10 minutes. Donc actuellement, c'est un double défi sportif, puisque c'est pas comme si je redémarrais un sport, mais... Oui. Par exemple, l'athlétisme, c'est un seul sport, on est d'accord, mais un coureur de 100 mètres... va avoir d'énormes difficultés à, par exemple, en 3 mois, passer sur un 400 mètres. C'est un peu ce qui se prépare pour moi. C'est-à-dire que oui, c'est toujours le même sport, c'est le kettlebell sport. Maintenant, les épreuves sont totalement différentes. Les préparations, du coup, sont totalement différentes. Et donc, du coup, actuellement, je suis en pleine préparation puisque dans 5 semaines, il y aura le championnat d'Europe WKSF. que je ferai sous les couleurs du Portugal. Je ne suis pas seul, hein. Il y aura également Frédéric Faria, qui est un autre athlète de l'équipe de France qui était d'origine portugaise et qui bien sûr m'a tout de suite accompagné dans le projet. Et puis également Eduardo Fonseca, qui lui est basé au Portugal et qui était jusqu'à maintenant à ce jour le seul Portugais qui était athlète dans ce sport, mais qui avait d'énormes difficultés à développer une équipe nationale. Et du coup, bah, maintenant avec notre aide, et puis nous on est athlète, mais on a aussi donc Walter Fernandez qui fait partie du projet pleinement. Oui. On a Philippe Dantas qui fait partie également du projet. On a Victor également au Portugal, et puis Eduardo Fonseca au Portugal. Donc on est tout un staff quand même, toute une équipe, on n'est pas seul, heureusement. Oui. Et on va essayer tous ensemble de représenter au plus haut niveau dans ce sport les couleurs portugaises. Exactement. Michael, il faut que je te coupe parce que c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir été avec nous. De toute façon, on se tient au courant parce que tu vas devoir revenir nous reparler de la suite. Ça, c'est une évidence. En tout cas, un grand merci, un bon courage et encore nos félicitations pour ce projet-là. Oui. Et à bientôt, on espère. Merci pour votre confiance, bonne continuation et à bientôt et bon dimanche à tous. Ciao, ciao, Mickaël. C'était Mickaël et on n'a plus le temps de rien faire. Alors du coup, on le remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Évidemment, on suit, on est encore là avec lui. On vous tiendra au courant de tout ce qui se passe pour lui. Et si vous aimez le kettlebell, vous pouvez aussi, parce qu'on n'a pas, vous suivrez tout son parcours. C'était important de le dire. Eric, c'est la fin de l'émission. On passe, on a du rave aujourd'hui. On peut déborder. On passe juste la dédicace. Exactement, D'accord. On a une dédicace. Alors juste avant, je voudrais quand même remercier Sabrina d'avoir été avec nous ce matin. Et puis on te souhaite bon courage pour la Zumba et avec plein d'adhérents. Merci, et, pas trop quand même. Hein. Et les enfants retrouvés sur les réseaux sociaux pour les cours enfants pour oui. venir, tu les accueilles avec plaisir. Oui. Et donc voilà, on passe, Eric, la dédicace qui s'appelle Georges Freyne, mine. Et ça vient de JP Marquez Ribeiro, Ribeiro Marquez, qui fait cette dédicace un peu triste pour sa maman. Donc pareil, on lui souhaite beaucoup de courage. Alors, on passe de musique et après on se dit au revoir. Bon, eh ben on revient vite fait vous dire au revoir. On part en musique. Mãe, és a força infinda, a palavra mais linda que Deus pôs no mundo. Mãe, és princípio sem fim, serás sempre para mim sublime majestade. Mãe, és o cimo da esperança, a mais bela aliança, o amor mais profundo. Mãe, teu amor verdadeiro, de todos o primeiro, é pureza e verdade. Mãe, mil e uma canções já ouvi, com palavras que falam de ti. Mas por mais que elas falem e por mais que reclamem, não dizem quem és. O coração amigo leal, mãe querida universal, que para além da vida és sempre mãe querida e eu sempre a teus pés. Sou um ser do teu ser, fruto do teu viver, vida da tua vida. Mãe, és a luz no caminho e o teu puro carinho é o sempre de outrora. Mãe, conselheira soberana, quantas vozes te chamam, aurora sagrada. Thank you. bem. Doce nome bendito, virgem nome infinito, que tem Nossa Senhora. Mãe, mil e uma canções já ouvi, com palavras que falam de ti. Mas por mais que elas falem, por mais que reclamem, não dizem quem és. Mãe, o coração amigo leal, mãe querida universal, que para além da vida és sempre mãe querida e eu sempre a teus pés. Mas por mais que elas falem, por mais que reclamem, não dizem quem és. Mãe, coração amigo leal, mãe querida. Mas eu vou partir do zero, yeah. Mostra-me com a tua dança aonde eu devo começar. Procura no teu espaço aonde eu posso me encaixar. Que eu tiro peça por peça, que dão sentido à nossa história. E a partir de hoje será para sempre só nós dois. Nós dois. Prometo mesmo que eu me solte, ela sempre tenta me atentar. Prendi na teia até lá. Lançou o teu gelo, vou derreter. Só isso teu nome, pra onde eu vou. Não é que eu não queira mais, alguém me mudou. Só nós dois, nós dois, nós dois, nós dois. Ouvi beleza no teu sopro. Linda. Fica delicado pra mim quando a atração torna-se love. Quero dizer-te, faz-me sentir que eu posso. Espero pela tua voz quando toco uma porta. Ter-te aqui encostada no meu peito. Fez-me sentir que o nosso mambo é outro. Acho que tá na hora. Manda a lágrima embora. Essa chuva evapora. Quando encosta em estrela. Mas vê que eu consigo te carregar. Até de manhã. Até de manhã. S'arrête là-dessus, on n'a pas notre générique de fin, on a été pris de court, on n'a plus l'habitude, on a trop parlé. En tout cas, on vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec Lucy Oxy. Et nous, on sera là, Eric. Hein. On sera là, oui. Merci beaucoup, Sabrina. Ciao, ciao, bon courage. Ciao, ciao à tous. Ciao, Eric. Et à dimanche prochain. À dimanche prochain.